Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non? Vous avez déjà suivi plusieurs stages. Oui, mais maintenant je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Ah non, c'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffe. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible.